Chapitre 12e. Pendant plusieurs semaines, ils n'eurent aucune nouvelle de Stewart. Pourtant, celui-ci avait promis qu'il enverrait un message et chaque matin, en se levant, Patrick se ruait sur la véranda. Les moissons étaient rentrées, tout le travail de la terre était terminé. Les Indiens occupaient leur temps aux petites réparations habituelles et à la chasse. Le moment vint pour Patrick et les Navarro de porter les céréales au ranch à Springfield. Les hommes du ranch arrivèrent tôt ce matin-là. Se détachant du groupe, le chef d'équipe vint directement vers Patrick. Monsieur Emerson, je vous salue. Monsieur Springfield vous fait dire que vous avez un message qui vous attend au ranch. Nous avons le télégraphe, savez-vous? Le télégraphe. Bien sûr, fit Patrick en se remettant de sa surprise. Mais dites-moi un message de qui? Monsieur Springfield ne me l'a pas dit. Il m'a seulement demandé de transmettre qu'un message vous attendait. Bien, nous allons nous mettre en route le plus vite possible. Ben, je vous fausserai compagnie probablement un peu avant d'arriver au ranch. J'ai vraiment hâte de prendre connaissance de ce message. Merci, Ben. Si les hommes sont prêts, on va pouvoir y aller. Il fallut 2 jours pour arriver chez Springfield. Bison Ardent vit Patrick bouillir littéralement d'impatience. Arrête de martyriser cette pauvre bête. Il ne reste que quelques heures avant le ranch. Va donc devant. Au moins seras-tu peut-être plus calme après, bien que j'en doute fort. Vous allez pouvoir vous débrouiller sans moi. Rassure-toi, nous, Indiens intelligents, pas se perdre en route. Tu es impayable quand tu parles comme ça, fit Patrick en éclatant de rire. Ne nous prends plus jamais pour des imbéciles, mon frère. C'est une injure pour notre race. Oh, je ne voulais pas vous blesser, Bison Ardent, seulement vous aider. J'ai bien compris, mon frère. Mais nous sommes nombreux et nous nous en sortons très bien, même sans toi. Patrick mit sa monture au galop et disparut dans un nuage de poussière. Il arriva au ranch 3 heures plus tard, sale et haletant. Se dirigeant vers la maison, il vit Springfield dans le manège où un cheval bai magnifique était en dressage, et il resta bouche bée face au travail attentif et au domptage tout en douceur que pratiquait Springfield. Il répondit à son salut et attendit que celui-ci le rejoigne sur son Appaloosa. Que pensez-vous de cette bête, Emerson? Il est superbe. Est si grand. Il vient de chez vous. De chez moi? Oui, il vient d'Irlande. Ça vous étonne, hein? J'ai un ami près de Dublin qui élève des chevaux de course. Lorsque je suis allé lui rendre visite il y a 2 ans, il m'avait promis un de ses poulains. Comme vous le voyez, il a tenu parole. Cet animal est arrivé il y a 3 semaines. Et personne, je dis bien personne jusqu'à présent, n'a réussi à le monter. Il a l'air docile à le voir, mais malgré tous mes efforts, il n'y a rien à faire. Vous devriez peut-être demander conseil à mes amis indiens. Ils sont très forts pour le dressage. Vous pensez réellement qu'un indien ferait mieux que mon contremaître et moi-même? J'ai des doutes, Emerson. Sans compter que ce sont des voleurs de chevaux. Springfield, les Navarros n'ont jamais volé personne. Ils sont indiens, fiers et honorables, courageux et travailleurs, et jamais ils ne se permettraient de mordre la main de celui qui les aide. Vous avez bien compris, Springfield. Ils sont aussi toute ma famille, et en les insultant, vous m'insultez. Allons, Emerson, je ne pensais pas à mal, mais vous admettrez que les Indiens ont une mauvaise réputation. Peut-être. Il est vrai que certaines tribus sont comme cela, mais je me porte garant des Navarros. Maintenant, si cela vous intéresse toujours, je peux en parler à mon frère Bison Ardent. Il excelle dans cet exercice. Bien, faites-le, Emerson. Je serais curieux de voir cela. Il est bien entendu que je ne veux pas que l'animal en pâtisse. Vous pouvez leur faire confiance autant qu'à moi-même. Jamais un Navarro ne fera de mal à un cheval. Il les aime trop pour cela. Mais dites-moi, Springfield, Ben m'a dit que vous aviez reçu un message pour moi? Ah oui, c'est exact. Il vous attend dans mon bureau. Nous y allons, mais peut-être devrions-nous nous laver un peu avant de rentrer. Diego ne nous reconnaîtrait pas si on nous chasserait à coups de fusil, s'esclaffa l'homme au Stetson. Sur ce dernier trait d'esprit, Springfield mit sa monture au petit trot, et l'un à côté de l'autre, ils partirent pour l'arrière de la demeure. Là, le maître de maison avait installé un ingénieux système. Dans une toute petite maisonnette était placé un baquet en bois. Un tuyau passait par le centre du toit, et par un système de pompe à main que le domestique actionnait, l'eau arrivait directement sur vous. Il suffisait de se déshabiller entièrement, de se mettre sous le tuyau, on se retrouvait propre en un rien de temps. Patrick se promit de demander les plans à Springfield et d'en faire construire plusieurs en rentrant chez lui. Le message était bien de Stewart. Elle disait à peu près ceci. Ai rencontré le colonel Drake. Possibilité d'acheter plans et matériel pour 5 000 $. Ouvrier formé pour forage disponible. Attends votre réponse. Signé Stewart. Patrick aurait sauté de joie s'il avait pu, mais la décence le lui interdisait. Il demanda juste à Springfield de la permission de renvoyer une réponse. Celui-ci la lui accorda bien volontiers. De retour chez les Navarro, il courut voir l'arme de pluie. Tu te rends compte, mon amour? Nous allons pouvoir exaucer tous nos rêves. Ton peuple vivra désormais heureux, et nos enfants, et les enfants de nos enfants. C'est miraculeux, tu ne crois pas? L'arme de pluie repensa une fois encore à Maureen, la première femme de Patrick, et la remercia. Jamais elle n'aurait imaginé que ce qui pourrait arriver dans sa vie serait dû à l'amour d'une autre femme. Mais force lui était de constater que depuis que Maureen lui avait fait cette promesse, tout était arrivé comme prévu. Oui, Patrick pensait que c'était miraculeux. Mais l'amour lui-même n'était-il pas un miracle? Il fallut attendre 6 semaines avant que les ouvriers et Stewart ne reviennent. Pendant ce laps de temps, Patrick fut intenable. Il allait jusqu'au bout du chemin 100 fois par jour pour guetter les hommes, restant quelquefois des heures à attendre et à rêvasser. Bison Ardent avait beau le secouer, rien n'y faisait. Aussi tout le monde poussa un soupir de soulagement quand ce jour-là une longue colonne soulevant un nuage de poussière se dirigea vers leur propriété. Pourtant un problème se posa bientôt. Stewart s'en ouvrit à Patrick. Nous sommes à la fin de l'été, mon gars. Il va falloir construire quelques baraquements pour les hommes qui vont travailler au puits. N'oubliez pas non plus la nourriture et également quand l'hiver va s'installer, il faudra du chauffage. J'espère que vous avez prévu tout cela, jeune homme. À vrai dire, pas encore, mais je vais m'y atteler. Combien de temps cela prendra-t-il pour trouver du pétrole, Stewart? Aucune idée, Emerson. Quelques jours, quelques mois, selon Drake. Il faut forer, et forer plus profondément, se déplacer si nécessaire pour trouver la nappe souterraine. En attendant, les hommes auront besoin d'abri et de nourriture. D'accord, nous nous mettrons au travail dès demain. Vous êtes mon contremaître désormais, Stewart. Je vous donnerai mes ordres et personne d'autre que moi ne vous en donnera, compris? Parfaitement, mon garçon. Nous commencerons donc demain. Ah, j'ai pris la liberté de ramener des tentes. Je m'étais dit que cela pourrait servir à abriter temporairement les hommes et ensuite le matériel. Vous êtes génial. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Je suis bien content de vous avoir à mes côtés. Au fait, où est Mike? Oh, ce garçon finira par me rendre fou. Il doit être avec les hommes à fureter partout. Avec votre permission, je vais aller le chercher. Bien sûr. Toutefois, si vous voulez mon avis à l'âge où il arrive, laissez-lui un peu de liberté. Je ne pense pas que vous le regretterez. Il est intelligent et ne demande qu'à apprendre. Vous verrez d'ici peu, il vous secondera utilement. Oui, je pense que vous avez raison. Mais les hommes finissent par être exaspérés par ces questions. Et si je ne vais pas le chercher dès maintenant, il pourrait finir bâillonné et attaché à un poteau. Tous les soirs, Stewart ainsi que Mike dînaient chez Patrick. C'était l'occasion de faire le point sur le travail effectué. 6 semaines passèrent sans qu'aucun résultat ne survienne. Patrick perdait sa bonne humeur et son impatience grandissante anéantissait peu à peu sa joie. Les premiers froids seraient bientôt là. La pluie qui tomberait embourberait le matériel. Faisant place aux rêves, l'inquiétude et le découragement grandissaient peu à peu. L'arme de pluie était levée lorsque Patrick ce matin-là se réveilla. Il avait dormi tard et elle avait jugé qu'un peu plus de sommeil lui ferait le plus grand bien. Le nez à la fenêtre, elle regardait tomber les premiers flocons de neige. L'hiver s'installait et toujours pas de pétrole. Elle n'était pas inquiète, non, elle savait qu'il y en avait. Mais Patrick devenait irritable et elle espérait que son rêve se réaliserait bientôt, avant qu'elle-même ne perde patience. Sortant de ses pensées, elle vit le jeune garçon courir dans la neige. Il glissa plusieurs fois, fit une embardée et atteignit la véranda sur les fesses. Lorsqu'elle vit finalement que le jeune homme se relevait sans dommage, elle alla lui ouvrir la porte. Elle enleva le sourire de ses lèvres pour ne pas le vexer. À cet âge, l'amour-propre est encore bien susceptible. « Entre, Mike, et va te réchauffer au coin du feu. Veux-tu un café ?»« Oh, non, merci, Madame Emerson. Papa m'envoie chercher votre mari. C'est important. Savez-vous où je pourrais le trouver ?»« Eh bien, vois-tu, il se trouve que mon mari dort encore et... »« Non, je ne dors plus. Et avec tout ce bruit, ce n'est pas étonnant. Que diable se passe-t-il ici ?» Mike fit un saut en arrière et accrocha la lampe à huile qui vacilla dangereusement. L'arme de pluie se précipita pour la rattraper, ce que fit le jeune garçon au même moment. Se bousculant, ils firent un écart et la lampe s'écrasa au sol. Rouge de honte, Mike se confondit en excuses, mais l'arme de pluie ne put s'empêcher d'éclater de rire. Ce jeune homme était une catastrophe, et à lui tout seul, pire que ses deux enfants réunis. Allons, Patrick, calme-toi. Mike était venu te chercher. Il paraît que son père veut te voir. Nom d'un chien, il est très tard. Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé? Bon, aucune importance. Pourquoi ton père t'envoie-t-il? Papa a dit que ça y est, monsieur. Patrick, qui se débattait pour rentrer plus vite dans son pantalon, ne comprit pas la réponse de Mike immédiatement. Bon sang, maudit pantalon. Chérie, si tu enlevais tes bottes, peut-être que... Quoi, mes bottes? Mais je suis stupide ce matin. Qu'est-ce qui m'a pris de mettre mes bottes avant mon pantalon? Tu disais, Mike? On en a trouvé, monsieur. Mais enfin, tonnerre, on a trouvé quoi? Mike, si tu ne te décides pas à me le dire, je vais... Assez, tous les deux, fit l'arme de pluie, pleurant de rire. C'est trop drôle. L'un parle et l'autre, n'écoutant pas, fait répéter. C'est insensé. Patrick, cesse de t'agiter un moment. Mais il faut que je m'habille pour... Arrête et écoute Mike d'abord. D'accord. Je vais m'asseoir dans ce fauteuil et t'écouter, mon gars. Tu as exactement 2 minutes. Après, je m'habillerai et filerai rejoindre Stewart. Justement, monsieur, mon père vous fait demander, on en a trouvé. Mais bon sang, on l'a trouvé quoi? Mais le pétrole, monsieur. Cela fait 10 minutes que j'essaie de le dire. Du pétrole? Patrick s'étouffa à moitié. Se levant pour embrasser l'arme de pluie, il se prit les pieds dans son pantalon et s'étala à plat ventre aux pieds de celle-ci. Le jeune garçon, d'abord éberlué, fut pris d'un fou rire inextinguible qui gagna l'arme de pluie puis Patrick. Tel est le tableau stupéfiant dont Stewart fut le spectateur involontaire. Ne voyant revenir ni son fils ni son patron, il avait décidé d'annoncer la nouvelle lui-même. Tout l'hiver, les hommes travaillèrent avec acharnement. Ils érigèrent 8 derricks qui fonctionnèrent à plein rendement. Ce furent des allées et venues incessantes de matériel, de chariots, de barils. Les Navarros se plaignaient du bruit, de l'odeur et de beaucoup d'autres inconvénients. Patrick tenta de les raisonner et de leur faire admettre que le bon côté des choses. Mais les anciens se lamentaient, ils ne reconnaissaient plus leur terre. On la violait, disaient-ils. Patrick put enfin un soir parler sérieusement à Bison Ardent. Les Navarros, mes frères, se plaignent beaucoup et je n'aime pas ça, commença Patrick. Ah, tu n'aimes pas ça? Comment dois-je le prendre? Pas mal, mon frère, il faut que tu m'écoutes jusqu'au bout. Vas-y, je t'écoute, je suis là pour ça. Bien. Comment était la récolte cette année? Mauvaise. La maladie s'y est mise, puis ensuite il a trop plu, ensuite les insectes. Si j'ai bien compris, cette année ne rapportera rien, n'est-ce pas? C'est cela, mais avec ce que nous avons mis de côté, ce n'est pas grave. Grâce à toi, d'ailleurs, qui nous a appris à faire des réserves. D'accord, Bison Ardent. Et as-tu pensé à l'année prochaine et même à la suivante? Que ferions-nous si elles étaient mauvaises? Il y eut un silence. Bison Ardent reprit. Je ne te suis pas bien, que veux-tu dire? Cette année ne rapporte rien, nous avons de la réserve, ce n'est donc pas grave, mais si 2 ou 3 années de suite étaient mauvaises, que ferions-nous pour subvenir aux besoins de nos familles? Aller à la chasse comme avant? Les bisons se font aussi plus rares ces temps-ci. On parle de massacres perpétrés par les hommes blancs. Comment, dans ce cas, continuer à nourrir toute la tribu? Le silence se fit de plomb. Tu as une solution, n'est-ce pas, chien hurlant? La solution, elle est sous tes yeux. C'est le pétrole qui coule à flot. Bien sûr, cela fait du bruit. Cela sent mauvais. Il y a plein d'hommes blancs partout. Mais qu'y faire? Veux-tu former tous les Navarros? Vous aussi pourriez travailler au puits. Nous renverrions tous les blancs une fois que vous seriez tous formés, qu'en penses-tu? Oh, c'est une idée que mon peuple n'acceptera pas. Ah, oui, et pourquoi? Ils disent que nous violons la terre. Mais n'est-ce pas le grand esprit qui a mis du pétrole sous cette terre? Et pourquoi en a-t-il mis si ce n'est pour l'utiliser comme nous utilisons l'eau? Tu n'as pas tort, mon frère, mais ça va être difficile de faire accepter ça à la tribu. On a vu pire, non? Tu te rappelles pour les Hogan? Oui, c'est vrai, mais si on n'essaie pas, mon frère, la tribu va finir par se diviser. Certains partiront pour le Nouveau-Mexique, d'autres vont s'entre-déchirer. Il faut tenter quelque chose maintenant. Nous n'avons pas le droit de laisser la situation s'envenimer. D'accord, je vais réfléchir à tout cela. Puis je vais parler à tous nos frères. Après tout, jusqu'à maintenant, toutes tes idées ont été géniales. J'aimerais que tu me répètes ça de temps en temps. Je me souviens encore de ta réponse quand je t'ai dit que le pétrole ferait notre richesse. Oh, ça va, ça va. Je sais ce que je t'ai dit à ce moment-là, mais je ne savais pas encore que c'était de l'or noir.